son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Direction du club de golf de Chibougamau-Chaparral. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaison-Besson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison-Besson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Missisni, au numéro de téléphone 88-276-80. Parle-moi! Ok, là, ça marche. On va parler de la NFL avec notre ami Marc Diquet de Radio X Saguenay. Salut Marc. Salut Danny. Marc, avant de parler de la NFL, je veux te parler du match de hockey. Je suis en train de l'écouter, je suis en train de le prendre. Et quel match de hockey? Tu sais, hier, tu marquais sur les médias sociaux, je sais pas si j'aime encore le hockey, mais là, après avoir vu un match comme ça, je te dis oui. Je dis oui. Ouais. Tu peux pas pas aimer un match comme ça. Compte tenu qu'il y a beaucoup, beaucoup de rips, tu sais, il y avait beaucoup de vitesse, pas beaucoup d'arrêts de jeu. C'est ça qui est le fun, là. Ben, c'est ça qui est le fun, puis, tu sais, c'est du hockey de série qu'on a eu hier, puis en série éliminatoire au hockey de la LNH, c'est bon aussi, ça, on va se le dire. Sauf que les publicités retardent tellement le rythme d'un match, là, on l'a vu hier, tu sais, il y a moins de publicité dans le championnat junior. Ça paraît, puis les périodes passaient un train d'enfer. Ça a été vraiment, vraiment une bonne exécution de hockey. Il y en a qui vont dire que l'arbitre a peut-être été généreux avec les Canadiens en fin de match, mais ça, peu importe, ça fait partie du match, on s'entend là-dessus. Là. Ouais. Mais ça a été un match très, très, très serré. Ça a été le fun à voir, je te dirais. Là. C'était vraiment, vraiment le fun à voir. Là. OK, OK. Donc, si on y allait maintenant avec l'actualité dans la NFL, puis après ça, on va y aller avec nos prédictions dans le deuxième bloc. Le premier bloc, c'est la vase des entraîneurs qui se poursuit dans la NFL. Hier, il y a eu une annonce. Avant de parler de Marvin Lewis, tu vas être un petit peu découragé. Je veux te parler de John Gruden. John Gruden qui quitte ESPN. Ça va être annoncé mardi lors d'une conférence de presse. 10 millions par année. Ouais, 10 millions pour 10 ans. Ouais. Donc, ça fait 100 millions. Première question qu'il faut se poser. Est-ce qu'en janvier 2028, John Gruden sera encore le coach des Raiders? Ça, c'est la première question que je me pose. Puis, je suis pas capable de te dire oui. Tu sais, je suis pas capable de te dire oui. Parce que John Gruden, premièrement, moi, comme amateur de sport à la télévision, c'est plate parce qu'on en perd un bon. Là. Mais John Gruden est encore jeune. Puis, John Gruden avait le potentiel puis les moyens de revenir dans la NFL. Contrairement à des gars comme Bill Cowher ou même si Tony Dungy a dit qu'il ne reviendrait jamais, contrairement à ces gars-là, là, il est encore très, très, très jeune. Par contre, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que ce gars-là vaut cet argent-là? J'ai hâte de voir. 10 millions par année. Quelque part, les Raiders, c'est une des grandes déceptions de la NFL cette année. Beaucoup de monde les voyait au Super Bowl. Moi, j'ai dit que l'entre-saison, on en a parlé dans nos chroniques, quand tu vas chez Marshall Lynch comme porteur de ballon, c'est pas terrible. Mais là, c'est... J'ai hâte de voir. C'est sûr que on s'en va à Las Vegas dans 2 ans. Peut-être qu'on voulait avoir un gros nom pour s'en aller à Las Vegas aussi. Ça explique peut-être qu'on a mis autant d'argent sur John Gruden. Non, c'est un très gros nom. C'est sûr et certain que Gruden, c'est un très, très, très gros nom. Sauf que là, maintenant, ça va être à lui de répondre. Il s'est déjà monté une équipe d'entraîneurs. Maintenant, ça va prendre un bon repêchage. T'sais, il peut pas runner ça tout seul. Là. Non. T'sais, il va avoir beaucoup de pouvoir. On dit même qu'il va avoir des parts dans l'équipe. Mais il peut pas runner ça tout seul. Ça va prendre des bons choix de repêchage. Mais tu sais, je pense que c'est un gars qui est analyste, mais c'est un gars qui est resté les deux pieds dans le football quand même. Ben oui. Tu sais, fait que c'est un bon candidat. Moi, être un fan des Raiders, honnêtement, être un fan des Raiders, là, ce matin, je serais content. Je serais vraiment content. Mais tu sais, je veux dire, 10 ans, 10 millions, tu sais, c'est... Faut pas oublier. On rappelle qu'il a déjà été entraîneur des Raiders, pour les gens qui se rappellent pas, avait été échangé aux Buccaneers de Tampa Bay pour un choix de première ronde. Je pense que c'est Léa, puis il y avait 2-2, il y avait 2-2 aussi, c'était une grosse transaction. Oui, très grosse transaction. Michel Bergeron. Ah ouais, okay. Alors, pire que ça encore. Oui. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir l'impact que ce gars-là va avoir, mais c'est sûr que les Raiders vont avoir le spotlight sur eux autres de n'importe quoi. Maintenant, si on y allait avec Marvin Lewis, donc tu changes-tu d'équipe, là? Parce que la semaine passée, t'avais déjà dit, si Marvin Lewis revient, je sais pas si je serais parti des Bengals. Ouais. Si la semaine passée il y avait des rumeurs, tu dis je sais pas, je te demandais sais-tu ce que tu veux. Là, ce matin, au 6 janvier, au moment où on a ce podcast, est-ce que t'es encore partisan des Bengals? Bon, premièrement, changer l'équipe, là, c'est pas si facile que ça. Non. Quand ça fait 10 ans que tu frappes le Bengals, tu sais pas, t'arrives pas demain. Moi, la seule question, c'est, vas-tu aller à Cincinnati le prochain encore me faire humilier contre je sais pas trop qui? Ouais. Je penserais pas, je sais pas, mais tu sais, je veux dire, si tu veux faire, tu sais, ils ont décidé de leur demander encore deux ans. C'est pas toi qui es le directeur général. C'est pas moi qui est le boss, mais je peux te dire une chose, là, que la grogne à Cincinnati, c'est épouvantable. Je me demande comment est-ce qu'ils vont faire vendre des billets. Honnêtement, là, mes réactions à moi, c'est rien, là, C'est du petit miel, contrairement au gaz qui se crache à Cincinnati, là. Mm. C'est épouvantable, là. C'est épouvantable. Ça fait 13 ans que t'es là, puis que, oui, t'as amené un seuil de la respectabilité, mais pas plus que ça, là. Tu sais, faut que tu passes à l'autre. Il a fait beaucoup, parce que Cincinnati, quand il a pris cette équipe-là, c'était les Browns, là, de l'ère moderne. Là. Les Bengals étaient comme les Browns dans le temps, tu sais. C'était la risée de la Ligue. Puis, il a quand même fait de bonnes choses. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas capable de faire stepper up. Là, on a steppé down les deux dernières saisons. Fait que, on est du cœur. Tu sais, je sais plus. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de problèmes. Mais inoffensive, Andy Dalton, il y a tellement de problèmes du côté de Cincy que honnêtement, je sais même plus quoi m'attendre. Je regarde. À la fin de semaine, j'ai hâte de regarder les matchs puis triper un peu. L'an prochain, c'est ça que je te dis, on verra. Mais c'est pas facile. Les partisans des Bills, sont-tu contents, Andy Dalton? Je comprends. C'était un bon match, je sais pas ça. Oui, c'était un bon match. 4-10, je pense que c'était 4-10. Ouais. Et tu sais, les Ravens. Andy Dalton envoie les Ravens en vacances et donne une chance aux Bills d'être dans la série depuis 19 ans. C'était un excellent match. Je pense que les Bills ont eu 1500 ailes de poulet. Ah oui, puis il y a des partisans des Bills qui ont fait des dons à la fondation d'Andy Dalton. Ça montait à 100 000 piastres. c'est ça, ça sort positif au moins, mais tu sais, dans ce match-là, là, puis je sais qu'il y a beaucoup de partisans des Ravens au Québec. Je pense que les Ravens n'ont qu'eux-mêmes à blâmer parce que Joe Flacco a été épouvantable dans ce match-là, surtout en première moitié de match. J'ai écouté l'autre match à 16h25, Atlanta contre Nouvelle-Orléans, puis j'étais allé à la fin du match. Sérieusement, là, j'ai trouvé qu'ils ont sorti flat. En plus, t'étais à la maison. Ben oui. J'ai vraiment trouvé que les Ravens ont vraiment sorti flat dans ce match-là. Moi, j'en connais un partisan, c'est un, ça trouve être un de tes collègues de travail, mais par la bande. C'est Laurent Gaulin qui fait un peu la même job que toi, à Radio X Québec, qui se trouve être un partisan, peut-être le seul partisan des Ravens que je connais au Québec. Dans les vases d'entraîneurs maintenant, il y a des noms qui sortent. Bruce Arians a remis s'en va à la retraite, c'est un petit peu normal. Il y a également Chuck Pagano à Indianapolis, c'était prévisible. John Fox à Chicago. Ouais. Et là, il y a des noms qui commencent à circuler. Il y a également Jim Caldwell. Il y a des noms qui commencent à circuler. Puis Je vais te poser la question, c'est deux entraîneurs, les deux adjoints à Bill Belichick qui risquent de s'en aller. Josh McDaniels, les Giants de New York, il serait sur les rangs avec les Giants. Matt Patricia, que tu l'as déjà critiqué, serait également un sérieux candidat pour diriger cette année, pour faire le saut comme coordonnateur défensif à entraîneur-chef. Non, de trois, oui. Ouais, je parlais avec Alexandre Gauthier, puis en dehors des ondes, puis là, je disais que, regarde là, les adjoints de Belichick se sont tous plantés comme entraîneur-chef. Romeo Crennel, ça a été un désastre à Cleveland. Josh McDaniels à Denver, ça n'a pas été concluant non plus. Mangini. Tony Mangini également. C'est pas gage de succès, hein? Non, c'est pas gage de succès. Puis, je te dirais une chose par contre. À Cincinnati, c'est le contraire. Zimmer va très, très, très bien avec les Vikings. Ouais. T'as Gruden, le jeune frère, qui est quand même pas si pire avec Washington. T'as plusieurs organisations comme ça, mais tu sais, c'est-tu le hasard? C'est-tu, moi, Matt Patricia, sérieusement, moi d'abord, un, j'ai jamais été impressionné tant que ça par son travail, mais je pense que. C'est quand t'es disciple de Belichick. C'est ça, exactement. J'ai hâte de voir. Puis c'est drôle parce que les Giants ont interviewé les deux, et McDaniels et Patricia. Mm. Donc, j'ai hâte de voir dans le vestiaire un peu comment ça va se jaser. Je trouve ça spécial un peu comme situation. Là. Ben, surtout que les équipes sont en série. Ben, c'est hein. Ça. Moi, honnêtement, je fais un règlement là-dedans. Regardez. Ben, c'est quand Shanahan l'année passée qui était coordinateur à l'attaque des Falcons tout le monde savait que c'en allait entraîner des 49ers. Non, tu sais, ça n'empêchera pas, tu sais, les gars, ils sont professionnels, je le sais, là, mais c'est quand même un... Tu sais, ils vont quand même mettre beaucoup de préparation, parce qu'une entrevue, là, t'arrives pas là, puis t'arrives pas avec ton CV, puis non, faut que t'arrives avec des plans, puis qu'est-ce que tu fais avec ta joueur, qu'est-ce que tu fais... Non, c'est une entrevue pour un coach dans le monde du sport, c'est long, puis il te demande bien des affaires, là, c'est pas une rencontre d'une heure, là, c'est bien beaucoup plus que ça. Là. Effectivement. Marc, il nous reste des pubs du temps des fêtes, on fait une pause, puis on revient dans quelques instants, je vais te parler des matchs. Merci Martial Bouchard, président du club de golf Lac-Saint-Jean. Il me fait plaisir, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les membres du personnel, de vous souhaiter une magnifique période des fêtes et une année 2018 remplie de santé et de succès. Profitez de ce début d'année pour ajouter une nouvelle saine habitude de vie à celle que vous avez déjà. Monsieur Ghislain Lamotte et tout le personnel de construction Unibec remercient sa clientèle et vous souhaitent une très belle période des fêtes. Construction Unibec, c'est un entrepreneur général qui œuvre dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale et industrielle. C'est aussi un moteur économique pour Dolbeau-Mistassini avec plus de 125 employés. Construction Unibec, 1041 rue des Peupliers, Dolbeau-Mistassini, 418-276-4140, www.unibec.ca. Ici Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année, que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 418-679-3339. On est de retour à danradiosport.com avec Marc Diquet de Radio X Saguenay. Marc, je veux te parler des matchs éliminatoires qui débutent ce soir. Ouais. En fin d'après-midi, c'est-à-dire Tennessee contre Kansas City. Les Chiefs qui ont eu un passage de vide durant la saison, mais qui sont revenus. Et du côté des Titans, ben c'est l'énigme Marcus Mariota. Surtout qu'on ne sait pas si le Denius Murray ne sera pas du match. Je pense qu'il faut y aller avec les Chiefs là-dedans. Ouais, puis Murray sera pas là non plus là. Ouais. Fait que tu sais, ça. Puis les Titans, honnêtement, c'est une équipe qui est un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tu sais jamais quelle équipe va se présenter. Tu sais jamais vraiment comment ils vont sortir. Puis je pense que ce match-là, au Arrowhead Stadium, tout ça, là, les Chiefs, même s'ils ont pas, même s'ils ont eu une fin de saison, en tout cas, ça a été correct, là, mais le passage à vide, j'ai pas aimé ça. Mm. Mais contre les Titans, je pense que c'est un adversaire parfait pour eux. C'est un adversaire parfait pour passer à la ronde suivante, là. Je pense que les Titans ont aucune chance de remporter ce match-là. OK. Dans le deuxième match, ça va être un excellent match. Atlanta, les Falcons contre les Rams de Los Angeles. Ça va être un match que je m'attends beaucoup de points. Oui, oui, t'as raison. T'as raison, effectivement. C'est ce qu'on peut s'attendre. Est-ce que les Rams, l'inexpérience d'un Jared Goff en éliminatoire, ça peut paraître? Moi, ben je pense oui. pas. Moi, je pense pas. C'est drôle, hein? Parce que, tu sais, Goff, depuis le début de l'année, on dit, ah, il va casser. Quoi qu'il casserait. En plus, le match est à la maison. Donc, ça facilite les choses encore. Puis, les Falcons, moi, ça fait partie. Même s'ils sont à l'éliminatoire, je suis déçu un peu de cette équipe-là. Je pensais que ça allait sortir plus fort que ça. Je pense que les Falcons peuvent battre les Rams, mais je penserais pas. Je mettrais mon petit doigt avec les Rams. Ben, le plan de match, tu donnes le ballon à Todd Gurley. Ah, écoute, c'est sûr et certain. Puis Gurley va être surveillé, mais oui. C'est une machine, ce gars-là, qui a une saison incroyable. C'est le MVP de Tagamo. Ouais. Donc, moi aussi, j'y vais dans la même prédiction. Maintenant, si on y allait avec l'autre match, un match embêtant, hein? Buffalo contre Jacksonville. Pourquoi j'ai embêté? Normalement, les Jaguars devraient gagner, mais Blake Bortles a tellement été mauvais en décembre que je serais pas surpris. Puis les Jaguars, c'est une jeune équipe, tout comme les Bills d'ailleurs, là. Mais je serais pas surpris du tout de voir les Bills battre les Jaguars. Ouais, mais oubliez pas une chose là-dessus, là. Ouais. Oui, c'est vrai que Blake Bortles est capable d'avoir des crampes au cerveau, là. Mm. Encore là, ce match-là est à Jacksonville, donc ça va les aider. Ouais. Puis tu sais, les Bills, je sais qu'il y a beaucoup de personnes des Bills au Québec, là, sont tous content, là. On est ressorti un peu, sans être... mais je suis pas un parti des Bills, là, mais je suis content. Je suis pas un parti des Bills, je suis content. Mais moi, profitez-en, parce que ça va se terminer à soir, là, les Bills. Là. Je veux, à moins d'un milliard... Souvenez-vous, cette équipe-là, il n'y a pas si longtemps que ça, on a joué au yo-yo avec la carrière. Là. Ah oui, oui. Tu sais... Puis les Bills, tu parlais des Ravens. Tu parlais des Ravens qui ont un cœur à blâmer, mais si les Bills ont été chanceux, puis s'ils manquaient les éliminatoires, c'était juste par un match... Et, on a sorti Tyron Taylor, tu te rappelles de ce match-là à Los Angeles, et son substitut, je ne me rappelle plus de son nom, c'est 5 interceptions en première demi. Ah, pauvre gars, il s'était fait matraquer. Si les Bills perdaient et rataient les éliminatoires, il y avait un cœur à blâmer aussi. Là. Non, puis tu sais, je veux dire, McCoy est un cas incertain encore, puis s'il est là, il n'est pas top shape, là, oubliez pas ça. Là. Fait que tu sais, je veux dire, ça se pourrait que les Bills gardent, c'est possible. Mais je pense pas. Ils ont pas les mêmes talents offensifs non plus que les Jaguars. Puis justement, encore là, le facteur à la maison en série, c'est tellement en éliminatoire, c'est tellement important là, que je serais très surpris de voir les Bills avancer. Ouais. Et dans le dernier match, moi j'ai notre ami Stéphane Cadorette qui dit qu'il peut dire ce matin dans le Journal de Québec un Super Bowl. Entre les Pats et les Vikings. Moi, je dis que celui qui gagne ce match-up s'en va au Super Bowl dans le National. Ah, oh, ouais, tant que ça. Ah, regarde, écoute, premièrement, les Eagles de Philadelphie, on les oublie, là. C'est depuis que. Ah, on sait jamais, d'ailleurs, on sait jamais. Ah, mais regarde depuis qu'ils sont. Depuis Carson Wentz, c'est pas là, là. Ouais, mais la saison t'es réglée, là. Tu sais, t'avais pas d'affaire à être forcé pour rien. Pour un match, je te dis pas. Pour le Super Bowl, je sais pas. Mais pour un match, tu peux surprendre. En tout cas, ma prédiction. Le gagnant s'en va au Super Bowl. Le gagnant de ce match-là s'en va au Super Bowl dans la Nationale. Du côté de Minnesota, j'ai pas. T'sais, on a parlé de Blake Bortles. T'sais, c'est un match éliminatoire, c'est différent. Hein? Puis qu'est-ce qu'on aime comme carrière? On se pose toujours la question. Tantôt, tu parlais de Jared Goff, il va casser. Mais qu'est-ce qu'on aime, là? C'était un carrière. Écoute, c'est un substitut ailleurs, là. Ah oh, ouais. Il arrive au Minnesota et là il obtient Bradford se blesse, Teddy Bridgewater se blesse. Arrive Case Cannon, mais là, il prend le contrôle. Là, c'est un match éliminatoire. Ça va être très différent. Moi, je pense que les... C'est ça, bon. Ah, mais écoute, moi, je pense personnellement que le match de 16h40 demain entre c'est les Falcons et les Saints, c'est le meilleur match de la fin de semaine. Ouais. C'est des équipes qui sont très, très, très... As-tu vu la différence de points accordés entre les deux équipes pendant la saison? Ouais. Il y a un point de différence. Et côté offensif, par contre, les Saints mangent les Panthers aller-retour. Là. Avec leur double demi, là, Camara et Mark Ingram sont incroyables. Là. Absolument. Et je pense que les Saints vont remporter ce match-là. Ça va dépendre de Cam Newton. Cam Newton est capable du meilleur, capable du pire. Il a eu une bonne fin de saison quand même. Mais si Newton décide de jouer du gros football, je serais pas surpris. Mais moi, c'est pas compliqué. Les quatre clubs que je favorise, c'est un hasard. C'est les quatre clubs à la maison cette semaine. Je pense que les quatre clubs à la maison vont gagner leur match, dont les Saints, qui devraient triompher des Panthers, mais ça va être serré. Là. Ce sera un match excessivement serré, à mon avis. En tout cas, moi, j'y vais avec les Bills, la seule offset, ouais. Parce que j'aime ça aussi, taquiner Alexandre Gauthier. Fait que je vais y aller avec les Jaguars qui vont perdre en fin de semaine. Marc, un gros, gros merci. On s'en reparle samedi prochain. Fait que... avec la chronique de la NFL. Pas de problème. Notre ami Marc Adiquet de Radio X 5.